Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La mode et la démode. Il y a 20 ans, Marc Jacobs était le couturier le plus de la planète mode. Et aujourd'hui, il est le couturier qui a été le plus. C'est donc ce que l'on peut appeler un super fail. Marc Jacobs. Hey girls. Time to celebrate. I just wanna make love to you. Véronique Philipponin, vous êtes ancienne rédactrice en chef d'UL. Vous êtes également consultante pour des marques de luxe. Alors tout d'abord, il va falloir que vous nous présentiez cet homme, Marc Jacobs. Il est né en 1963. Il a notamment été directeur artistique des collections Louis Vuitton de 1997 à 2013, ce qui veut dire être pape de la mode, quoi, quasiment. Alors, Marc Jacobs, c'est vraiment l'enfant chéri de la mode américaine. Peut-être qu'en France, il est moins connu, mais c'est un peu le John Kennedy de la mode là-bas. C'est il a été porté au nu. Il a commencé donc sa carrière dans les années 90 avec sa marque, Marc Jacobs. Et puis très rapidement, il y a eu une espèce d'excitation un peu hystérique, comme il peut y en avoir parfois dans les milieux de la mode, autour de ses défilés. Donc les plus grands top modèles ont défilé pour lui. Rien n'était assez beau, rien n'était assez grand. Et puis ensuite, effectivement, Bernard Arnault, qui a quand même le sens pour recruter un peu les gens qu'il faut, l'a placé à la tête, effectivement, de la direction artistique de la mode femme de Louis Vuitton. Et c'est lui qui a inventé la mode de Louis Vuitton, puisqu'à l'époque, c'était un maroquinier, il ne faisait que des sacs. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben donc, il a fait des défis de prêt-à-porter donc deux fois par an, qui étaient effectivement très suivis, très, très excitants. Et c'était le cool kit, quoi. Il avait des lunettes en écaille, une paire de Stan Smith. Bon, aujourd'hui, physiquement, il a beaucoup changé. Il y a eu quelques transformations esthétiques un peu particulières. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus un peu musclé, un peu bronzé. Il se poste beaucoup sur Instagram en selfie torse nu. Voilà. Il a gagné du muscle. Il a gagné du muscle, mais il a perdu du poids sur la planète mode, surtout par rapport à cette époque-là. Il a transformé, comme vous l'avez dit, la marque Vuitton, puisque il faut se souvenir qu'à l'époque, Vuitton, c'était une marque qui vendait, par exemple, des sacs monogrammés. Et il a produit des séries de plus en plus courtes, des séries qui étaient des séries ornées par des artistes. Bref, il a fait beaucoup de choses pour que les propriétaires de la marque Louis Vuitton, donc Bernard Arnault, gagne beaucoup d'argent et sa marque propre, Marc Jacobs, est devenue également une marque extrêmement prisée, Véronique Philipponin. Oui, chez LVMH, je pense qu'il a dû multiplier le chiffre d'affaires par 5 en 15 ans. Donc effectivement, on peut dire que c'est vraiment une grande réussite de mode et de business. Et puis effectivement, Marc Jacobs, il a commencé, donc il a ouvert dans Soho une première boutique dans Bleecker Street, bon, comme font la plupart des gens. Et puis ensuite, quartier très à la mode. Et qui n'était pas à l'époque. Il a lancé aussi cette rue, d'ailleurs à tel point qu'on disait Markland pour parler de cette rue, parce qu'ensuite il a investi, donc il avait au moins 4 ou 5 boutiques dans cette rue. Aujourd'hui, il n'en a plus qu'une toute petite. Et oui, il a inventé. Il avait une boutique à Paris dont on peut voir les traces, puisque cette boutique a fermé. Oui, alors c'est vrai que depuis qu'il est parti de chez Vuitton pour se, je cite, reconcentrer sur sa marque, donc en 2014, mais sa marque continue à perdre de l'argent, elle appartient à LVMH. Et en fait, il a peut-être perdu le sens de l'esthétique du moment, quoi, on va dire. Dans les magazines, au fil des saisons, je vois autant de modèles que j'entends des chansons. Acheter tous les gadgets et ne voyager. Pourquoi considérer aujourd'hui que Marc Jacobs n'est plus à la mode. En tout cas, il semble boudé. Les magasins ont fermé, comme je l'ai dit. Les corners dans les grands magasins, il était vendu dans un certain nombre de grands magasins. Il ne l'est plus. On a vu apparaître aussi des objets un peu bizarres, c'est-à-dire des montres, des petits colifichets qui étaient vendus à des prix dérisoires pour l'industrie du luxe. Qu'est-ce qui s'est passé, Véronique Philippona? Alors d'abord, en 2015, il a perdu un peu son Pierre Berger, c'est-à-dire un peu l'équivalent de son homme business, qui s'appelle Robert Dufy. Et donc je pense qu'effectivement, un créateur peut être très bon s'il est bien accompagné en termes de marketing, de positionnement de boutique, de développement de produits dérivés. Et je pense que ça a nuit aussi à son business. Après, est-ce qu'il a perdu en créativité ? Je pense pas, parce que ces défilés sont toujours aussi suivis et toujours aussi aimés. Il est toujours le chouchou des rédactrices de mode particulièrement américaines. Anna Wintour, l'héroïne du Diable s'habille en Prada, continue de le soutenir. Donc je dirais pas que c'est un problème de créativité. Et puis dans la mode, il y a des cycles. Et aujourd'hui, il a été remplacé aussi par des gens qui sont plus jeunes, plus branchés. Qui, par exemple ? Bah, par exemple, là, chez Louis Vuitton, pour l'homme, il y a un jeune homme qui s'appelle Virgin Abloh, qui vient donc d'être nommé à la direction artistique de Vuitton et qui voilà, fait une mode qui est plus streetwear, qui s'inspire d'artistes, de gens de la musique, qui sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus cool. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé, alors là aussi avec la mode, il faut être prudent, puisque lorsqu'il y a des évolutions, ce sont des évolutions qui sont magnifiées par l'univers de la mode, mais qui peuvent paraître microscopiques pour ceux qui n'y appartiennent pas. C'est-à-dire qu'on est passé en fait d'une mode qui est plutôt une mode de designer, de gens qui dessinaient des vêtements, à une mode de directeur artistique, c'est-à-dire de gens qui mettent leurs pattes, et je mets tout ça entre guillemets, parce que leurs pattes, bah, bien souvent, c'est, on ne comprend pas très bien ce que c'est. Bah, c'est Tom Ford, en fait, le premier qui a été le premier designer global. Aujourd'hui, on demande à un designer non plus de dessiner des vêtements, mais de prendre des positions sur le marketing, sur l'image. D'ailleurs, Edith Sliman, qui vient d'être nommée chez Céline après avoir été chez Saint Laurent, son titre, c'est directeur de la création artistique et de l'image. Donc, ça dit beaucoup sur, effectivement, un métier qui a complètement évolué aujourd'hui. Donc voilà, il faut être bon sur Instagram, il faut prendre le bon musicien au bon moment pour être cool. Enfin, c'est un autre métier aujourd'hui et ça demande d'autres compétences que effectivement de savoir dessiner des vêtements. Ça veut dire aussi que ces marques, qui sont des marques soutenues par un nom propre, Marc Jacobs, on pourrait citer également John Galliano. Alors, John Galliano a eu des déboires et il a été viré de Christian Dior après un scandale où il avait proféré des injures antisémites à l'encontre d'une femme à Paris. Bref, en tout cas, si on veut aujourd'hui voir les choses, les marques qui sont supportées par un nom propre sont des marques qui ont de plus en plus de difficultés, tandis que les marques qui ont le vent en poupe sont des marques possédées par des grands groupes. On pense évidemment à Dior, Gucci, Prada, avec bon, des évolutions différentes en fonction de ces marques, Véronique Philippona. En général, de toute façon, les marques sont fondées par un créateur, comme Yves Saint Laurent. Bon, je pense que tout le monde sait que, effectivement, avant Edith Sliman, il y a eu quand même un autre créateur qui s'appelait Yves Saint Laurent. Mais je pense qu'il est très compliqué de durer, déjà, et aussi de survivre à un départ d'un créateur. Donc, on le voit, par exemple, avec Kenzo dans les années 90. LVMH a mis très longtemps avant de remonter la marque Kenzo, parce qu'elle était très attachée à la personnalité du créateur. On le voit aussi, Sonia Riquel, aujourd'hui, qui est morte, a du mal aussi à rebondir. Donc, je pense que c'est d'abord des cycles de création qui dépendent effectivement de quelque chose d'humain. Et puis ensuite, il y a des décisions de business qui sont prises en fonction de l'air du temps. Donc, il faut savoir, à un moment donné, prendre le bon créateur au bon moment. Et c'est pas toujours facile. Aujourd'hui aussi, on se dit peut-être que la mode a changé de physionomie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui sont des marques de streetwear qui, jadis, étaient connues comme étant essentiellement des marques de sport, qui acquièrent de plus en plus d'importance dans le monde de la mode. Ce qui veut dire que, à contrario, contrario, les marques qui étaient des marques de luxe font de plus en plus de streetwear. Est-ce que ça, ça change quelque chose, Véronique Philipponin? L'exemple que je donnais tout à l'heure sur donc Vuitton et Virgil Abloh, il est caractéristique parce que lui, au départ, il est architecte. Il a commencé à faire des collabs avec des marques comme Nike, etc. Il a monté une marque, effectivement, où donc il vend des sweatshirts au prix d'un sac de luxe, quoi, et il arrive à les vendre très très bien. Donc c'est intéressant qu'aujourd'hui, tout l'univers du skate, de la streetwear, etc., ait gagné effectivement le marché du luxe. Ça veut dire aussi, puisque vous parliez donc des modes et des démodes, ça veut dire que Marc Jacobs, qui aujourd'hui n'a plus le vent en poupe, il peut revenir? Moi, je pense absolument que d'abord, il travaille beaucoup, qu'il produit des choses. Son dernier défilé, par exemple, était à New York, était assez hallucinant. Il y avait une fanfare, enfin, c'était assez beau. C'était bon, les critiques de mode en ont parlé comme de magnifiques funérailles, donc c'était un peu à la fois très beau. Bah, parfois, il y a de beaux enterrements. Nous, dans Superfell, c'est ce qu'on préfère, hein, les beaux enterrements. Oui, mais je pense que lui aussi sait se mettre en scène dans son propre échec, peut-être. Et donc, non, moi, je crois beaucoup à un avenir pour Marc Jacobs. Merci beaucoup Véronique Philipponin. Je rappelle que vous êtes ancienne rédactrice en chef du Elle et consultante pour des marques de luxe. Superfell a été piétiné par Anaïs Isebaer à la production, gâchée par Inès De Bruyne à la technique et largement dévastée par Alexandre Fougeron à la réalisation. Superfell.